Voilà l'été, voilà l'été. Ooh. Oui. Yeah. Back to school pour Banc et Troquet. Numéro 27, 26, 25. C'est le retour, deuxième épisode de 2024. Exact. Bien mieux que 2023, 2024, on est là. On vous avait dit que c'était une année de dingue. Eh ben, c'est parti, quoi. Deux épisodes en 6 mois. 6 mois. C'était en février, sept je crois. Peut-être plus que ça. Il y a combien de mois dans l'année, Piro? 12. Yeah. Allez, je suis prêt pour les quiz. On est quoi, septembre? C'est 7 mois. Hein. 7 mois, ouais. C'était intense. Hein. Tu te rappelles de cet épisode? C'était où? Au Toc ici. Au Toc ici. Ah ouais, putain, c'est pas beau. Non. Putain, super. Et là, on est donc sur un banc. On est sur un banc, c'est l'été longtemps. Indien. C'est l'été méga indien. Il fait super bon. Il y a des poules d'eau, il y a un étendu d'eau. On est vraiment là avec vous, en toute détente nature. Voilà. Est-ce que la nature, c'est pas une scène pour nous, finalement? Exactement, si, si, si. Nous, on aime beaucoup Dame Nature. Voilà. Où sommes-nous? Nous sommes sur un banc, donc pas dans un troquet. Nous sommes à la Citadelle. C'est la foire juste à côté. Exact. On est sur un banc avec un vue sur un plan d'eau. Plan d'eau. Qui n'est pas la Deule. Hein, très plat. Qui va vers la Deule en soute, mais c'est un petit lac. Il y a des coureurs, on peut les apercevoir de loin, mais on s'est vraiment mis à l'abri. On est vraiment dans un endroit, là, ouais, une on peut bulle. On peut se piquer tranquillement. Une bulle nature. Petite pipe de crack pour ma part. Martin, qu'est-ce que tu as pris, toi? J'ai pris Il a fait le chimiste, hein, ouais. Il a mélangé. Non, j'avais envie de dire, j'ai pris juste une bouffée d'oxygène, tu vois, un truc sain. Car il s'est passé beaucoup de choses, j'ai changé de vie, tout. Je fais des marathons. Oh, putain, c'est vrai. J'ai fait du vélo. À longue distance. L'île Ardelot. C'est 180 km, non? Je ne sais plus, mais je sais que j'ai 2 médailles à la clé. C'est bien, et Martin. Ça, c'est important. C'était les premières médailles de ma vie. Et je suis pas peu fier, hein, finalement, d'avoir 2 médailles. C'est vrai, c'est bien, c'est ouais. Bon. J'ai 2 médailles qui pendent chez moi, voilà. Et moi, qu'est-ce que j'ai gagné grâce à ça? Un t-shirt. Un t-shirt du Douvre-Lance jaune. Oui, exactement. Magnifique. Qui me sert pour courir, mais pas faire des marathons. Et attends, je peux te faire un retour sur ce produit. Oui. Parce que la dernière fois, on avait parlé de dotation. Donc je te remercie de cette dotation. Exact. Passion, dotation. J'ai encore plein de trucs aussi. De quoi? Vas-y. Bah attends, finis ce que tu dis. Et ben en fait, je l'utilise beaucoup parce que je trouve qu'il ne pue pas. Non mais il est magnifique. Hein. Ah non, il est bien. C'est on dira pas la marque parce qu'on peut pas. Nike. Nike. Mais non mais moi j'avais que des Décathlon. Non, il est chouette. Il est très bien. Il est lisse. Et j'ai croisé un gars qui l'avait, qui avait le même. Il y a plein de gars. Mais est-ce qu'ils l'ont fait dans un marathon finalement? Parce que moi je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, moi je suis un escroc. C'est clair. Il doit se dire quand il me voit quoi. Ah ouais, il doit être en course fondamentale là. Court doucement. Il se prépare, ouais. Ouais. Là, ça doit être bientôt sa course parce qu'il court pas très vite. Oui. Ça, à mon avis, il se préserve. Non, mais il est rouge, rouge comme une pivoine. Ou comme une bite de chien. Oh. Comme on dit en Picardie. Eh ben. Merci la Picardie. Ouais, et j'ai beaucoup été rouge comme ça puisque c'était l'été. Hein. Mm-hmm. J'ai pris des couleurs. Hein. Martin. Qu'est-ce que t'as fait quand je t'ai dit j'ai pris des couleurs l'autre fois? J'ai dit oui. Non, t'as collé ton bras sur mon front et j'ai dit pour oui. Comparer le bronzage. Quoi. Et alors ça ouais, parce pas... que t'es plus bronzé que moi, Martin. Mais on n'a pas le même, en fait, non, c'est ouais. Juste ça. Moi, j'ai pas de mélanine. Tu rougis. Hein. Ouais. T'as pas de mélanine, peut-être, effectivement. J'en ai pas beaucoup. Après, les gens qui ont des grains de beauté comme toi, hein, notamment sur tes bras, pas sur ta tête. Tache de rousseur, un peu. Ouais, j'ai dit grains de beauté, ouais, tache de rousseur, pardon. Ouais. Bah, en fait, vous bronzez pas, quoi. Non, c'est Martin. Pas grave. J'ai pas fini du coup sur les dotations. Vas-y. Donc j'ai fait du bateau. Ah ouais, t'as fait du bateau aussi. J'étais une semaine sur un vieux gréement, ouais. En Bretagne. C'est comme ça que ça s'appelle? Ouais, c'est des vieux bateaux de 1910. C'est des bateaux anglais, je crois. Non, je sais plus trop. On dirait que c'est une bouteille. Vous allez me goûter ce vieux gréement, s'il vous plaît. Délicieux ce vieux. Oh là là, il a le goût de sel de mer. Et du coup, une semaine de bateau, normalement t'as droit à un t-shirt. Je suis revenu avec. Allez. Bah, devine. Bah, je crois que je le sais, il n'y a pas un pantalon, non? Ouais, mais 3 t-shirts, non, pas un, mais 3 et un pantalon, exact. Ah ouais? T'as gardé les 3, c'est les 3 mêmes? Non, bien sûr que non. Ah ouais. Mais à quelques détails près. Mais je suis très fier de moi. Putain, la chance. Je rallume ma clope. Donc voilà, back to school, la rentrée, c'est génial. On a la chance de voir, après une ville dépeuplée au mois d'août de Lille, d'un coup tout le monde est revenu. Ça commence à être les prépas là où les trucs d'intégration, ils sont dans la rue, tous déguisés. Ah, moi je vois pas encore ça, moi. Bah, je le vois un petit peu en rentrant du boulot, quoi. Ah ouais. Puis comme j'ai déménagé, dans le centre, ouais. J'ai plus vers Vauban, tout ça. Oh là là, c'est horrible. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai, c'est la rentrée des classes, quoi. Bah, là, je suis un petit salopard dans ma tête. Je fais, allez, faites bien la fête, là, profitez. Et en décembre, là, 30% qui dégagent. Parce qu'ils ont dit, ça me plaît pas, cette première année. Oh non, j'ai envie de faire autre chose. C'est vrai, ça. J'ai trop fait la fête. Ce qui est normal, ce qui fait partie du parcours de vie. Bien sûr, les études, c'est avant tout la fête. Mais ouais, mais après... Qu'est-ce que t'as fait comme étude? La fête. J'ai fait... Quand je faisais mes études, je me disais que le vendredi n'existait pas, par exemple. Ah, t'allais pas en cours le vendredi? Exactement. Tu n'y allais pas. Mais parfois le jeudi aussi. Ouais, il y a beaucoup de gens qui font le jeudi, c'est le Saturday Night Fever, quoi. Ouais, c'est étudiant, quoi. Les zinzins, comme on appelle ça à Amiens. Les 5 à 7. Les 5 à 7, comme on appelle ça dans l'architecture. Pour ceux qui connaissent. Beaucoup d'architecture dans notre... auditoire. Panel d'auditoire, ouais. Auditeur, ouais, c'est vrai qu'on a fait un petit sondage il n'y a pas longtemps, ouais, pour voir les profils. IFOP. Ouais. S'écoute beaucoup dans la voiture. S'écoute, voilà, ça fait des architectes en voiture. Exactement. Notamment. Faites attention quand vous roulez. Voilà, ils écoutent des potes. J'ai pensé à quelqu'un qui s'est planté, enfin qui s'est fait rentrer dedans en voiture du coup. Mais ça t'a fait rire? Non, ouais, j'ai pas fait exprès. Non, je me suis dit, c'est ça que tu voulais venir là? Non, pas du tout. Ah bon? Parce que t'as dit, faites attention quand vous roulez, on parlait d'architecture. Non, j'ai dit ça parce que moi je trouve que je conduis pas souvent, j'ai jamais conduit quotidiennement, tu vois, j'ai pas habité à la campagne non plus, donc tu vois, j'ai jamais eu une consommation de la voiture très jeune à faire de la route tous les jours. Ouais, moi j'avais ce profil là avant, ouais. Et je le fais juste quand je travaille et je prends une voiture de location et j'ai toujours un petit stress d'avoir un accident parce que j'ai pas une confiance absolue, donc ça se passe bien. Hein. Mais il y a des théories, genre apparemment t'as le geste, tu vois. Tu vas pas le réfléchir, mais tu vas faire le bon geste en fait. Ah ouais? Ouais. Par exemple, il y a un lapin sur la route, et ben tu vois. Je le bute. Ouais. Ton corps, il va dire, bah bute-le en fait. Bute-le en fait. Tu sais, ça ou le poteau? Bah il va choisir le lapin. Hein. Ah oui, t'as des trucs comme ça, ouais. Ouais. Oui, des, oui. Ça a des noms en plus, je pense. Non, mais oui. On a encore bien bossé le sujet. Mais non, mais c'est que la bagnole, je trouve que c'est un environnement un peu de stress. Tu vois, je ça va, je conduis, et puis de plus en plus, à force de le faire, tu prends une confiance, tout ça. Mais c'est ça. Il y a plein de gens qui ne conduisent pas pendant longtemps, qui après ne conduisent plus. Conduisent plus du tout, alors qu'ils ont eu leur permis, ils ont eu confiance. Parce que je trouve que c'est un environnement de stress, tu vois. Les gens, ils sont un peu agressifs en bagnole. Mmh. Mais moi, j'ai eu ça, justement, cette évolution où genre, je ne conduisais pas beaucoup. Et après, avec le taf de la charpente, j'ai dû conduire tous les jours mon camion. Donc j'avais à la fois des passagers, à la fois de la conduite, à la fois de la fatigue. Et ben à la fin... Et en plus un camion, quoi. Et en plus un camion. Ben à la fin, tu t'en fous, hein, mec. C'est comme un kart, quoi. Ouais, mais... Mais c'est toi qui conduis mal, du coup. Enfin, c'était moi, du coup. Tu conduis moins bien, je pense. Bah, tu conduis un peu plus, je m'emballais et je m'impose. Ouais. Ah ouais, exact. Alors moi, je conduis... Et puis c'est pas ton véhicule. Ouais, c'est vrai. Donc, que... Ouais, bah moi, c'est une voiture de loc, plus souvent. Ouais. Donc la voiture de loc, faut pas la défoncer. Bon, non, faut pas la défoncer, mais tu peux appuyer dessus, quoi. Tu peux accélérer, si, bien sûr, ça. Oui. Je fais bien, puis c'est des voitures neuves. Et elles sont en bon état, ouais, c'est ça, exactement. Donc on tient à vous déclarer notre nouveau sponsor, hein, c'est Auto Plus. Donc on est très bagnole, hein. Ouais, voilà. J'adore ça. Non, je trouve que moi, Auto Plus, c'est quoi? Il loue ou... C'est un journal, qui, en fait, c'est une émission. Je sais pas si c'est pas avec Dominique Chapatte, quoi. C'est pour vendre tes voitures un peu. C'est un journal en papier? Ouais, tu vois ça chez le médecin. Je suis pas bien au courant de nos sponsors, ouais, vraiment. Non, pas... mais c'est t'inquiète, il y a au zéro fond juste pour moi. Ok, d'accord, il y a de la tuerie. Normalement, tu vois, il y a des points de fidélité, je peux m'acheter un enjoliveur dans pas longtemps. Yeah. T'as pas de voiture. Wow. Allez, les sujets. Bon, c'était un de mes sujets, ça, la bagnole qui stresse. C'est vrai? Bah, ça me stresse. Ça peut stresser. Hein. Comme, en fait, ça fait 6 mois qu'on n'a pas bossé le truc. Enfin, si, on a beaucoup travaillé, c'est l'inverse que je voulais dire. On a énormément travaillé. Ouais. Il faut rouvrir tous ces sujets. Exact. Voilà. Donc Noël, joyeux Noël. Joyeux Noël à toi. Joyeux Noël. En tout cas, ça s'est fait Noël. C'est pas bonne année puisqu'on a passé janvier. On peut plus dire. On peut plus. Sinon ça porte malheur. Qu'est-ce qu'on a eu comme fête? Les jours fériés. On a eu Pâques. Pâques. La fête du travail. Bonne fête. Bonne fête à toi. Bon anniversaire. Okay, mais c'était mon anniversaire, c'est vrai. Bon anniversaire. Bon anniversaire à toi. Bah, merci. Bon anniversaire. Qu'est-ce qu'on a, on a... Et puis la rentrée. On vous fait un résumé, hein. Ça va vite, ça va vite. Belle fête nationale à tous. Et puis. Ouais. Très beau fête d'ascension. À LM, on a eu L5 quand même cette année. L5. L5. L5, comme on dit en Amérique. On dit pas L5. L5, je me suis emballé, L5. Personne ne sait qui c'est L5. On va faire un 5 et avec L5 dans les oreilles. Non, n'importe quoi. Est-ce que t'as un groupe de punk qui s'appelle L7? Ok. Quoique anglais, c'est pour ça que je dis L7. Oui, là tu peux dire, mais personne n'a jamais dit non, L5, personne. L5, quoi. Je pense pas. Et il y avait Philippe. Non, Philippe est mort, pardon. Il y avait Franck des To Be Free. Il y avait Franck et Gérald de Alliage. Exact. Non, Gérald de G-Squad. Je sais plus. Si, si. J'ai vu l'article de La Voix du Nord. Je te rappelle que je suis un lecteur assidu de ce journal. Bon, voilà, pour vous dire qu'il y a des villes qui investissent pour le 14 juillet et qui prévoient des spectacles de grande ampleur. Ben, je suis sûr que les gens sont contents. Non, mais c'était la folie. C'était la folie. J'ai même une pote qui a confondu Franck avec... Elle a cru que c'était qui ? Quentin ? Non, bon, je sais plus. Il est mort aussi. Willy Denzey, je crois. Non, pas ça. Non, pas non. Billy Crawford ? Billy Crawford, exact. Mais il y était aussi, non ? Non. Non, il n'y était pas ? Non. Il n'y a pas tout le monde non plus. Et c'est pas un budget à rallonge, hein ? Non, mais je sais pas. L5 ? L5. Je tendrai tête de bois. Oh, c'était génial, quoi. Voilà. Bah, on a fini l'émission. Il est quelle heure ? Non, je rigole. Je sais pas, est-ce que tu veux un sujet ? Bien sûr. Bien sûr. Ça va être vieux. Ça va être vieux ? Qu'est-ce que j'ai ? Est-ce qu'on a un Premier ministre ? Non, pardon. Ah ouais, ça va être vieux. Ouais. Oh putain, il y a eu des trucs comme ça de fou. Hein. Ça, on parle pas politique, je crois. Oh, puis la flemme. Ouais, ouais. Tout le monde s'en tape. Juste, on se rend compte que ça va. Ah, il y a eu les JO. Oh alors ? C'est encore les JO. C'était fantastique, les JO. C'était fantastique, ouais. C'est les Paralympiques, ouais. Ils embrouillaient à l'époque. On voulait vous parler de Aya Nakamura qui voulait pas chanter avec Piaf. Enfin, qui devait prendre du Piaf. Et finalement, rien à voir. Elle a chanté quoi ? Aznavour. Voilà. Tiens, chè. Voilà, en playback. Ah ouais, mais j'ai pas vu la cérémonie d'ouverture. C'est vrai, c'était beau. Quoi, j'ai vu que des bouts, hein. J'ai vu le best-of. Mais en plus, on n'avait pas une soirée ce soir-là. Genre, moi, je l'ai regardé en rentrant. Si, si, je crois qu'on mixe ce jour-là. Ouais, ouais. Sans vouloir spoiler, on est aussi disjockey. On l'avait dit à la fin du dernier. Ok, bah on reprend, on est toujours disjockey. On est toujours disjockey. Et on a une page Instagram, comme Ban et Troqué a une page Instagram. Ou Ben959. Ouais, parce qu'on a capté qu'en fait, si on voulait avoir plus de sponsors comme Auto Plus, il fallait des followers. N'hésitez pas à partager du coup Ban et Troqué. Et accessoirement, pour les mariages. Pour toutes sortes d'événements culturels ou festifs, Didier Simple. Didier Simple. Tout simplement. Voilà. Et on fait tout. Hein. On fait tout. Toutes les fêtes. Bah, fête de Bayonne. Ah non, pas les fêtes de Bayonne. Non, non, non, fêtes, non, pas, pas Bayonne. Enfin, c'est pas qu'on n'aime pas Bayonne, mais les fêtes, elles sont un peu. Bah, il y a encore de la bagarre, il y a encore eu un mort. Ouais, s'il n'y avait que de la bagarre. C'est vraiment une mentalité. Pire faute, pire fête. Oh là. C'est pas un héron, ça ? Si, c'est un héron. Et ben voilà, on vient de voir un vol en direct, un atterrissage de héros. Exact. Comme quoi. C'est beau. Ceux qui disent que Lille, c'est pas une ville verte. Ouais. Gna gna gna gna gna. Ouais, putain. C'est complètement vert là où on est. Et il y a plusieurs verts. Je peux vous dire que ça va du vert clair au vert foncé. Ouais. En passant par du vert turquoise. Pou pou pou. Voilà. Donc les JO, c'était formidable. Exact. Et moi, j'ai eu la chance. Grâce à mon travail. Parle-nous de tes JO. Mais mes JO à moi. À Lille, il y avait du basket. Qu'est-ce qui s'est passé, Pierrot ? Tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout. J'aime beaucoup le basket. Ah bon ? Ouais. Et dunk. Dans ma boîte, il y a eu un concours. Un concours avec un quiz. J'ai pas gagné. Non. Avec un quiz de 50 questions où tout le monde répondait en direct, boum, avec un timing. Et sur 500 personnes. J'ai fini 10e. Patata. Bra-pa-pa-pa-pa. Donc j'ai gagné des places pour les JO. Et c'était place en loge et tout. Moi je connais pas du tout cette histoire et ça m'intéresse vraiment. Pierrot, vas-y, raconte-moi ça. S'il te plaît, n'oublie aucun détail. Et donc on arrive déjà avec mon ami François. On croise les joueurs de basket du Brésil. François. Francky. Bah alors. Alors. On croise les joueurs du basket du Brésil, on se prend en photo avec eux. Après, on apprend que c'était les joueurs les plus nuls avec qui on s'est pris en photo. Ou même qu'il y en a un des deux, c'était pas un joueur, c'était le frère de l'autre. Donc, ça, je savais pas. Ah bah, tu vois, tu ne sais pas tout. Non. Voilà, donc on arrive par l'entrée, pas l'entrée des gogos, des sandans. On rentre par une entrée spéciale, ce qui fait qu'on fait pas la queue. Il y a quelqu'un qui t'attend à la sortie pour t'amener à ta loge. La chance. Et à un moment, à Francky, je fais hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, mon cœur bat la chamade. Francky, nous venons de croiser le coach d'une équipe de NBA qui est assez Boston. Emblématique. Des Boston Celtics quand ils ont gagné le titre en 2008. Doc Rivers. Comment il s'appelle ? Doc Rivers. Ah, parce que j'ai l'impression que tu disais genre un. Enfin, je pensais quoi. Pas que c'était un nom, ouais. Ok. Mais c'est vrai Rivers. Que son prénom, il s'appelle Doc, quoi. Et donc, on le croise. Et en fait. Je comprends vite fait qu'on va être dans les mêmes loges que lui, parce qu'ils attendent. Et en fait, il y a tout le staff, tout le coach de l'équipe de Milwaukee, puisqu'on allait voir l'équipe de Grèce. Et un des meilleurs joueurs de l'équipe de Grèce, qui a été MVP en NBA, c'est Giannis Antetokounmpo. MVP ? Meilleur joueur élu de l'année, de la saison. Merci beaucoup. Most value player. Je te rappelle que nos auditeurs ne sont pas tous calés. Hein. Non, bien sûr. MVP. Donc déjà, moi je trouve ça incroyable et très rigolo. Un gars du staff il dit on peut y aller tout ça, nous parlons un peu français, nous pouvons y aller si vous voulez. Et en fait ils disent, Francky se faisait fouiller son sac, en gros we are waiting Francky. Voilà, donc on y va ensemble, pam pam pam. Qui attend Francky? Doc Rivers, voilà. Doc il l'attend, pas n'importe qui quoi. Voilà, Doc il pèse et donc il nous amène tout ça. Tu te fais accueillir, on te met un petit bracelet à la con. Il dit si vous voulez, vous pouvez prendre l'ascenseur, tout ça. Et nous, comme des gueux, on fait ben bah non, on va prendre l'escalier. Nous, oh, poup, poup, poup. Les dingos. Donc, on a pris l'escalier. Ce qui est très rigolo dans le stade, c'est que le stade, tu prends pas les mêmes escaliers que les autres gens aussi. C'est des escaliers parallèles. Donc, Mais tu peux les insulter. Moi, j'ai dit ça. Hein. J'ai fait alors, les sandons. Alors toc, toc, toc, toc. Vous avez de la bière, vous, dans votre loge? Vous n'avez pas de loge pas. Donc on arrive, bah déjà, bon, petite buvette et tout, et là il y a Ronny Turiaf, pour ceux qui aiment le basket, pareil, c'est un ancien joueur de l'équipe de France qui a joué en NBA. Bon, grand joueur, mais pas grand joueur, quand on connaît pas, on s'en tape. Oui, mais bon, en fait, là il faut que vous captiez qu'il est comme un dingue, là. Il est en battement par minute, il est à 200% en battement par minute. Là. C'est Walt Disney dans ma tête. En plus on arrive, très belle ambiance, patati patata, on voit le match, on mange, on boit. Et à la mi-temps, bien sûr, on va se restaurer. Bien sûr, il faut. On mange délicieusement. On paye pas en plus. Du bœuf tataki ou je sais pas quoi là. Bon, bon voilà. Takati. Non, je déconne. Et on se pose à une table, on va chercher à bouffer et on revient, il y a une dame. Qui est cette dame? Cette dame qui parle en anglais, puisque les JO, je vous rappelle, c'est international, hein, c'est le monde entier hein, qui était à Lille. Et L'esprit de Coubertin. Exactement, il y avait Pierrot Coubertin, je sais pas si c'était une bonne personne, qui est là. Et donc on lui dit, elle dit ah bah je vais bouger. On dit ben non, on peut partager la table. Nous on est des ch'tibiloutes, tu vois. On partage tout quoi. Et donc on est avec elle. Et puis je sais pas comment on en arrive à papoter. Et en gros elle me dit, peut-être elle te dit passe-moi le sel. Même pas, je sais pas comment. Je sais pas. Bon, bref, pardon. Et elle me dit en gros qu'elle est la mère de Giannis Antetokounmpo. Oh, qu'est-ce qu'elle a pas dit? Elle dit, bah, je suis là. Ah non, je lui demande pourquoi elle est là, tout ça. Elle dit, bah, je vois mon fils. Et du coup, moi, je lui dis, votre fils est Giannis. Tout simplement. Le flair, oui, oui. Non, en fait, c'est le seul Renoir. Exactement, c'est le seul Renoir de l'équipe de Grèce. Et bon, bah, je m'en doutais un petit peu, quoi. Et c'est quand même une dame assez grande en plus. Je crois que c'était une ancienne championne d'athlétisme. Et du coup, on parle et elle me montre plein de photos de ses enfants. Je lui dis, vous étiez à les cérémonies d'ouverture. Elle me dit oui. Elle monte des vidéos. Elle me dit, ah, regardez, là, c'est Giannis sur le bateau qui me dit, ah, maman, elle est là, ma maman, tout ça. Voilà, c'est beau. Donc voilà, on partage. Il a 12 ans, en fait, Giannis. Bah, Giannis, il aime beaucoup sa mère. Je crois que. Bah, les joueurs de basket, à chaque fois, ils disent, merci beaucoup, maman. Je suis MVP. Most value player. Et voilà, bon après, je crois que Francky lui demande si elle veut un dessert. Et il le dit en français, genre, voulez-vous un gâteau au chocolat? Avec un accent? Il dit comme ça. Ah putain, c'est bien Francky ça. Il dit comme ça, elle a rien compris. Déjà, elle lui a. Il lui parlait en anglais au début, pas avec un anglais dégueulasse. Elle est tombée sur les deux pires anglophones de l'île, quoi. Bon, elle était pas ouf non plus. Okay. Et quand il lui a parlé en anglais, elle lui a répondu « Désolé, je parle pas français. » Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Et donc voilà, après on est allé voir le match, très ravi de la rencontrer. Hein. Ouais, et après, il faut savoir que... Attends, t'as pas raconté encore que tu fais une photo avec... Quand on repart. Ah, voilà. Tous les pecnos qui sont crus riches, ils repartent avec l'ascenseur. Nous, on repart à pied avec Francky. L'ascenseur est rempli. Avec Francky, je fais, on essaye de faire une photo quand même avec Doc Rivers. On essaye. Et là, on court. Quand je cours un peu dans les escaliers pour essayer de le rattraper. Il est en train de mimer en direct. Il court. J'ai mon téléphone à la main. Et je vais le voir. Je lui demande si c'est possible de faire une photo. T'as réussi à le faire tout seul? Ah, je croyais que c'était Francky qui était allé le voir, moi. Et Francky... Non, non, c'est moi. Okay. Et Francky, bravo. Je te rappelle que son anglais, on dirait du français. Hein. Ah oui, c'est vrai. Gâteau au chocolat. Doc, super, une crème, il a vu que j'étais un bon joueur. Il m'a dit, mais bien entendu, on peut faire une photo. Il me met la main dans le dos. Et là, oh, et là, moi, j'ai... moi, j'ai les bras sur la photo, j'ai une tête de... Déjà, Francky dit, c'est moi qui vais prendre la photo, ça va être plus simple. Et j'ai les bras ballants, j'ai vraiment l'air d'un gros gogol. Et l'œil vitreux, quoi. Ouais. Genre, on l'a genre, son âme quitte son corps. Ah oui, bah là, Doc quoi. Me l'a prise, il a pris un peu de moi. Ouais. Et après, elle est partie. Et il a remis l'âme, quand même. Et c'est, ouais. Et c'est même lui qui dit merci, tu vois. Mais peut-être que si vous nous demandez, on publiera la photo sur Bon et Troquet. Ah, ouais, mais seulement si on a plus de 2 followers. Si on a plus de 2 demandes, on la publie. Mais elle est fantastique. Elle est très belle, cette photo. Et moi, je le rattrape, je le récupère après ça, imaginez. Ah oui. Je récupère Pierrot, il me dit, Martin, tu sors. Moi, j'avais fait plein de trucs, il était 23h, j'avais pas envie. Il m'a dit, c'est le plus beau jour de ma vie, sors. Je suis sorti et ça valait le coup. Ça valait le coup. Hein. Ça valait le coup. Il était, c'est comme un, je sais pas moi, l'enfant qui rencontre le Père Noël, quoi. Ah oh ouais, c'était génial. C'est fait avoir. Doc Rivers n'existe pas en fait. Non, il n'existe pas. Mais tout ça en plus, d'aller au stade en vélo, de rentrer en vélo, il faisait beau. C'était chouette. On a eu un petit cadeau, une petite plaque en plastique. Que t'as perdu? Si, si, non, je l'ai gardé. Ok. Francky l'a offert. Francky l'a donné, il l'a offert. Et un pins. Parce qu'ils s'en foutaient quand même. Ils s'en foutaient. T'sais, ce mec-là, c'est les souvenirs plus que le matériel, quoi. Ouais, en plus c'est vrai que c'est une mémoire d'éléphant, Francky. Ouais, ouais. C'est vraiment le mec qui. Des détails, les souvenirs, les. C'est une dinguerie, hein. Oh là là, c'est incroyable. Il se rappelle de tout. Hein. Bah, on l'appelle Père Castor. Hein. Père Castor. Raconte-nous une histoire, Francky. Voilà. Plus c'est une, plus toujours, deux, plus trois. Waouh, moi j'ai pas regardé Père Castor, je crois. Ouais. Parce que là, si tu me dis, ça doit me parler ce que tu dis là. Non, je pense qu'on était un peu petit, Père Castor. Non, on était un peu grand. C'était plus notre âge. Je crois que ça fait Père Castor. Père Castor. Et après... Raconte-nous une histoire. Donc voilà, c'était mes JO. Bravo. Dernière semaine de travail, j'ai fait que de bouffer du JO en travaillant. Donc il y avait un écran tout le temps, JO. Je pense que j'ai pu fatiguer ma compagne avec ça. Parce que je trouvais ça fantastique. Bon, il y avait des moments sympas, mais après voilà... Après Macron, on n'oublie pas. Voilà. On n'oublie pas Macron. Voilà. C'est beaucoup d'argent pour quoi en fait? Ah bah tu vois, voilà. C'est bien que tu rebondisses sur ça. Parce que les JO, ça me fait penser à un mariage. Ok. C'est-à-dire, t'organises pendant 3 ans, tu mets plein de pognon pour là 2 semaines. Allez, c'était 17 jours. Un mariage, c'est pareil. Tu mets plein de pognon, une fête, tu te casses les couilles pendant 1 an et demi à organiser. Et hop, c'est une soirée. Le lendemain, allez, un petit rebond si tu veux. Et après, finito. La fête de mariage. Alors, c'est très beau, tu vois, c'est chouette. Mais je me suis dit, mais tant d'investissements pour ça. Et puis, il faut payer les DJ en plus. Et en plus, il faut payer les DJ. À chaque fois, quand tu dis DJ, j'ai l'impression qu'il faut payer les DJ. Ah, les DJ Deschamps. Ouais. Ah ouais, non, y a non mais tu trouves pas ça ouf? Et je me suis dit, mais jamais je ferai de mariage. Ouais. Déjà, tu vois, un petit anniversaire apéro, je me dis que c'est compliqué. Envoyer un JO, message c'est aux gens. Les JO, c'est à perte, hein, tu sais. Mais ouais, mais c'est ça. Il y a personne qui gagne dans les JO. Hein. Et puis. Rappelle-toi ce qu'ils ont fait avec les SDF, les étudiants. Bah oui, la casse sociale, hein, le ménage social. Pété, quoi. Comme qu'ils avaient fait avec le Tour de France quand ils sont passés vers LM où ils ont viré tous les Roms. Ouais. Parce que c'était pas beau très bon à la exemple. Télé. Non, mais c'est ça que je trouve ah, ouf. Donc oui, c'était sympa l'ambiance, mais je suis d'accord avec toi. Moi je suis là juste pour mettre une pièce. Non, mais c'est abusé ce que tu dis. Ouais, vas-y, casse le rêve des gosses en fait. Mais après, tu vois, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Thomas Joly. Voilà, super, hein. Franchement, ce mec-là, il a fait un truc percutant, quoi. Mais après, les budgets sont... Enfin, quand tu vois la misère dans le monde... Mais oui, carrément. Ouais, bon, bah, voilà, quand même. Il essaie de rouler une clope. Vas-y, roule une clope. Bah, là, c'est les Paralympiques. Voilà. Oh, bravo. Ça va être bien, ce qui paraît, à la cérémonie de fermeture. Ah ouais. Clôture. Fermeture. Ils invitent tous les merdidiers français. Ah ouais. Mais qui ont fait de l'histoire et tout. Ah ouais. Et tu sais qu'ils ont pas invité. Pour bien le faire chier. David Guetta. Exact. Ah ouais. C'est bon. C'est dit, on invite vraiment tout le monde. Mais pas lui, quoi. Ben ouais, mais lui... Je suis trop content. Mais maintenant, il est has-been, lui. Non, mais est-ce que vraiment, il nous a fait kiffer, ce mec-là, dans notre vie, nous ? Tu vois, à la rigueur, Bob Sinclair. Quoi, moi, il a et fait encore. Des tubes, j'aime pas trop. Mais ouais, lui, bah, il Martin est plus... Solveig, alors, aussi, on peut dire. Alors. Ouais. Ouais, mais, en vrai. Mais David Guetta, on l'aime pas. On l'aime pas, non. Ouais, c'est vrai, on accepte des trucs, quand même. Non, non, on n'aime pas. Bah, après, Bob Sinclair, il a fait quoi ? Bah, il a fait des tubes. Bah, à un moment, c'était la fête du DJ dans les années... 2000-2010, quoi. Bah, c'est Martin Solveig aussi. Bob Sinclair et David Guetta. Après, celui... Moi, j'ai jamais été trop fan d'électro, mais après, c'est Laurent Garnier. Ouais, mais avec lui, son documentaire. Lui, c'est le king. Personne... Lui, c'est un musicien, quoi. Ah, lui, c'est un dieu. Mais j'entends une... David Guetta, c'est un handicapé à côté, quoi. Ouais. Laurent Garnier, il va avoir... Alors, par contre, je suis désolé, je voulais pas dire que c'est un handicapé, parce que... C'est un handicapé artistique. Ouais, voilà, merci. Non, bah... Hey, je connais tes mots, hein. Je sais qu'il n'y a rien de péjoratif. Non, mais je voulais le dire, quoi. Mais je tiens juste à préciser que Laurent Garnier, on lui fait la pub, hein, parce qu'on est confrères. Très bien, Laurent Garnier. Oui, c'est vrai, c'est un ami. C'est un ami. C'est un peu lui qui nous a propulsés, d'ailleurs. Lolo. Merci, Lolo. Lolo, il va avoir une émission de 2 heures sur FIP. Je sais que c'est du boulot, hein, pour lui. Non, mais en interview, il disait qu'il écoutait 600 albums par jour. Je me suis dit... Quel mytho. C'est un peu Marseille ou quoi, bébé, là c'est qu'est-ce que tu racontes? Tu les écoutes, ou c'est 2 secondes que t'écoutes, mais 600 albums, c'était pas possible. Ou tes albums, ils font 2 minutes. Bah c'est des micro-albums, ou alors il écoute une seconde, quoi. Une note. Ouais. Il fait, oh, pff, moi, il y a la note. I got a feel. Non, c'est de la merde. Ça, c'est qui? C'est David Guetta. C'est David Guetta. On a dit qu'on prenait pas. J'ai failli rouler une clope. Vas-y, tu veux qu'on fasse une pause? Tu fais une pause, hein, si tu veux. On pose tous les micros, ou je Bah non, non, c'est pas grave. Non, mais c'est n'importe quoi ce que t'es en train de faire. Roule ta clope. Bah ouais, vas-y, je te laisse parler. Alors, c'est parti pour la minute publicitaire. Je sais pas vivre sans toi, Pierrot, je crois. Je sais. Allez, je vais attaquer un sujet tout seul. En même temps, c'est peut-être un moment que vous pouvez prendre pour vous-même. Inspiration, expiration, allongez-vous, peut-être. Étirez-vous les membres. Voilà, les ischios, le cou, les poignets. Voilà, hein, c'est important de s'étirer, de prendre un temps pour soi-même. Et ça peut durer 1, 2, 3, 4 minutes. Mais est-ce que vous avez déjà pensé à votre corps, voilà, votre respiration? Vous avez le bas du corps qui gonfle, l'estomac on appelle ça. Voilà. Et puis le thorax, ça dépend comment vous respirez. Le ventre? Le ventre, parce qu'il y a des respirations par le ventre ou par le thorax. Vous sentez des picotements dans vos... C'est un AVC. C'est tout simplement un AVC. C'était la version de Martin de Petit Bambou, des gros bouboules. Qui fait peur à la fin. AVC. Vous dites des propos incohérents. C'est que vous écoutez Ban et Troqué. Et quand j'ai fait du théâtre et t'avais des exercices de respiration comme ça. Et c'est vrai que ça détend. Hein. C'est super. On a rencontré un mec là qui fait de l'apnée et on va faire un des exercices avec lui. L'apnée du sommeil ou. T'imagines. Moi, ouais, je fais de l'apnée du sommeil, ouais. Du coup, ils m'ont jeté du bateau et j'ai réussi à descendre 3 minutes comme ça. Hein. Je dormais. Hein. Moi, je dormais. Je me rappelle pas. Hein. Je me rappelle ils m'ont jeté, je suis ressorti. Je suis réveillé, je me suis pissé dessus, mais en fait, j'étais dans l'eau, donc ça allait, quoi. Ouais, franchement. Et j'ai passé le record du monde. Putain. Voilà. On a cru que j'étais mort, quoi. Ah bah ouais, il n'y avait plus de battement de cœur. Hein. Et le bateau était loin. On m'a dit, vas-y, casse-toi. Mais bon, ouais. C'était en allemand. Casse-toi en allemand. Schnee, ballon. Ah, Kassanan, général. Je sais pas. 99. Schnouf, moi, on parle pas allemand du tout, en fait. Pas du tout. Personne parle allemand, de toute façon. Même pas en Allemagne? Ils parlent anglais, là-bas. Ils parlent anglais en Allemagne. Non, mais ils ont arrêté l'allemand. Hein. Mais ils parlent anglais. Mec, après 45, interdit de parler allemand. Qu'est-ce que tu fumes, en fait, toi? Ça crépite. Ouais, c'est... Tu fumes des fleurs? Qu'est-ce que t'as ramassé ça ou Pierre? Ouais, vas-y, c'est bon. T'as ramassé ça. C'est ce que je veux. Ça, il fume n'importe quoi, mon collègue. Moi, je vais te la créer, la queen du crack ici. Moi. Il y en a pas ici. Oh là là. J'ai plein de sujets, je sais pas par quoi commencer. Bah, tu t'en veux un petit? Non, donne-moi un grand. Attends, ouais, ouais. Fais la minute de silence aussi. La minute de Pierrot, s'il vous plaît. Je suis sûr qu'elle est mieux que la mienne. De quoi? Là, je vais rouler ma clope aussi. Ah, pour se détendre? Ouais, ou pas, hein, c'est moi qui ai pris ces. Toi, tu peux faire une animation autre. Ah, oh, quel copieur. Faut que tu t'inventes une personnalité. Trouve-la. Ok. Allez, c'est parti. Okay. Go, go, go. Ok. Ça fait. Ça rappe, putain. Ok. Ça fait. Ok. Ok. Ok, j'ai les. Ok. Ok. Ok. Bah, c'est tout. Ça va finir dans la WC aussi, ça. Hein. Eh, mais roule ta cigarette, c'est mon moment, Martin. Pardon. Et donc. Vous avez jamais remarqué en fait rap, stand-up, je fais tout quoi. Ouais. Putain, il y en a tout le temps. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi, mais. Bah, vous avez rien dit. Tu trouves pas qu'il y a trop de gens qui font du stand-up? Non, je vais en faire aussi. Moi. Ouais, mais tu vas en faire, mais. Moi j'aime c'est bien, pas c'est prêt, un, hein, c'est pas un prêt. Serpent de mer pour moi. Ça veut dire que on le voit, peut-être qu'il va arriver. Je crois que c'est ça cette expression, je la manie pas bien. Un serpent de. Non, un serpent de sable, non. Le Loch Ness. Un serpent de sable, je sais plus. Bon, bref, c'est à dire, on le voit, mais il est jamais là, quoi. C'est comme un secret de Polichinelle. Ça veut dire quoi exactement? Est-ce que je reprends la parole ou t'es pas fini? C'est pas fini, si, si, hein. C'est non, parce que là, ça divague grave, grave, grave. Ah, c'est le crack, ça. Dans ma cabane, dans ma forêt. Ouais, le truc pareil. Une fois, c'était rigolo, et maintenant, il y a tout. J'ai vu une vidéo où c'est le gars qui parle, c'est toujours sa chanson, et il a écrit « Moi, quand je suis aux toilettes et qu'il n'y a plus de papier, pardon, je remets ma crotte dans mon cul. » Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. J'ai lu ça et ça m'a fait rire du coup parce que c'était tellement bête. Et c'était dit « Du coup, je suis écolo. » J'ai fait « Wow, bah non, c'est nul. » J'ai vu ça et je me suis dit « Bah là, on a fini. » On arrête avec ce même, on arrête avec ce gars-là, quoi. Mais moi, je ne l'ai pas écouté en entier, tu vois. Je vais faire ça ce soir, je crois. Ah bah, en premier, moi, je l'ai écouté, mais il a même été interviewé dans Brut. Oui, apparemment, il comprend pas, il a vraiment fait une cabane, c'est sa maison, c'est Louis qui m'expliquait ça aujourd'hui. Ah ouais, bon. Évidemment, il y avait vraiment une cabane. Je t'avoue que je pense que tout le monde a cette info, comme l'info qu'on n'a pas de Premier ministre. C'est le même truc. On n'a pas de Premier ministre? Non. Tu vois, je suis au courant, rien. Peut-être. Allez, ton petit sujet. Ah, mon petit sujet. Ouais, je j'ai lu. Relancer, bon, mais troqué quand même. Tu manges des yaourts, Martin? Bof, mais j'aime bien quand même. Non, mais t'en manges de temps en temps. Mais j'ai un problème avec les produits laitiers. Je suis plus sur les végétaux. Mais vas-y. Non, mais parfois tu manges un petit yaourt aux fruits. Bah, franchement, très peu quoi. Ouais, bah, mais ça t'arrive en promo. Parfois. Allez, ou une danette, si... tu bouffes des danettes. S'il est à moins 25%, je prends. Une danette, tu bouffes? C'est rare, mais ouais. Bah, moins 25%. S'il est en promo. Une mousse au chocolat? Non. Un petit yaourt? Bah vas-y, je mange un yaourt, moins 25%, produit fermier. Est-ce que tu fais partie de la team qui lèche l'opercule? Bien sûr. Bah c'est cancérigène. Et je suis hypochondriaque, merci quoi. C'est cancérigène, donc je le fais plus quoi. Je l'ai lu dans un magazine et tout. Mais quoi, c'est cancérigène ou on alors du coup, qu'est-ce qu'on fait de cette nourriture? On la jette? Bah tu manges pas. On la donne aux poules. Moi je jette toujours. Et la canette de bière que tu bois, c'est pas cancérigène? Moi je lèche jamais ça. Jamais je lèche. Jamais. De toute ton enfance? Jamais, je trouve ça me dégoûtait. Les petits suisses aux fruits? Non. T'as pas léché l'opercule? Bah, au pire, je raclais avec la cuillère, quoi. Mais je crois que c'est le contact de la langue avec le truc, c'est cancérigène. Bah voilà, c'était le dernier épisode de Bon et Troqué. Je vais lécher plus de 1000 opercules, quoi. 1000 opercules. Non, bah en fait, c'est... Moi, je m'entends, en fait. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je voulais voir ta réaction. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Ça existe pas. J'étais en train de crever. Bah surtout, ça a pas marché. Tu manges pas de yaourt. Si, bah en promo. En promo? J'adore les promos. J'ai deux passions dans la vie, les dotations et les promotions. Je peux acheter. J'ai acheté par exemple, là, je suis allé à Lidl. Il y a un rayon complet de promo. Je suis revenu avec des trucs, un mélange pour faire des pancakes, du sirop d'érable. Je les ai toujours pas fait. Mais je me suis dit, oh putain, ouais, c'est pas con. Mais c'est vrai promo ou c'est... C'est grosse promo, ouais. Ou c'est juste, ça va bientôt périr et on te le vend? Je sais pas, moi, tu vois un truc orange fluo, je regarde pas si c'est une date ou... Parce que t'as ça maintenant, tu sais, c'est bientôt périssable, ils te foutent je les prends aussi, ceux-là, ouais. Mais j'ai mangé des yaourts, là, par exemple. Une semaine après. Bah oui, mais les yaourts, ça se, bah, ça se conserve. Bah là, voilà. J'ai mangé un yaourt qui était périmé du 18 août. Sans lécher l'opercule, bien sûr. C'est vrai. Je sais pas si c'est vrai ou... Je vais vérifier cette info. Ouais, bah vérifie. Autant dans Bourré Troqué, on vérifie jamais rien. Bah après, après on vérifie plein de trucs. Non mais là, t'as dit que c'était pas vrai, on sait plus, tu vois. Là, t'as perdu tout le monde, en fait, là. J'sais c'est pas. Vrai, c'est pas vrai, on sait pas. Bah, je suis sûr qu'après, il y a deux teams, ceux qui lâchent l'opercule et ceux qui lâchent pas. Est-ce que les gens vérifient les infos qu'on donne sur Bourré Troqué, on sait pas. Bah, j'espère quand même. Bah, faut pas. Bah, faut croire, hein, ce qu'on dit. Attends. Attends. C'est vrai que Doc Rivers, on sait pas si c'est vrai, hein. Si, si, c'est vrai. Il a une voix grave et tout. Enfin, si vous voulez la photo, deux followers. Ouais, il faut que ça, deux followers. Tu demandes à tes parents, tu dis vas-y, follow, s'il te plaît, bon, et troqué. T'as la toffe, quoi. Bah, inscris-toi sur Insta, pardon, et après, tu lui dis de... Voilà, nous, on prend. Ceux qui l'ont vu, ils ont vu qu'il a été magnifique. C'est beau, les hérons. On a un héron en live, il fait des trucs, mais incroyables, quoi. Il lève son cou, il baisse son cou, c'est... On dirait qu'il fait l'ascenseur, un peu. Ouais, en blague. Ouais. Descends. Ah putain, il a bougé quand t'as parlé. Bah oui. C'est une dinguerie. C'est magnifique. J'espère que vous avez des hérons près de chez vous. J'espère que les gens, ils se font le périple, tu vois, de tous les lieux où on est allé. Genre épisode 1. On était à la Citadelle, à un autre endroit, à l'épisode 1. On a commencé ici. Ouais, c'est là que tout a commencé. Martin. Mais il y a plein de nouveaux bars, on va vous en faire profiter. Ah ouais? Bah oui, c'est comme chaque année, c'est Lille. Hein. Oui, oui, j'en ai vu un ou deux. Il y a 25 nouveaux bars. J'en ai vu un ou deux. On n'ira pas rue Solferino, on n'ira pas rue Masséna pour vos futurs tours en vélo. Non. On n'ira pas. Surtout, bah, on n'y va pas parce que c'est craignos. C'est juste qu'il y a des bouts de verre par terre et vous risquez de crever. Eh ouais, parce qu'il y a des tessons cassés par terre. Ah, je vais dire crever. Ah, crever, pas mourir. Le pneu, ouais. J'ai dit, qu'est-ce qu'il raconte? Je crois que le crack fait effet. Et il nous reste pas assez de temps pour creuser un de mes sujets. Je fais un petit sujet ou un gros sujet? Un petit sujet. Putain, je sais pas par quoi commencer. J'ai un. Bah, je te dis des intitulés de titres. Et tu choisis, on développe. Ok. Ok. Ça fait. J'ai écrit dans mes notes sabre laser. C'est comme l'escrime. Oh. Tu savais? Genre, c'est un vrai art martial, quoi, maintenant. Genre, faire du sabre laser? Ouais, genre, il y a épée, escrime, sabre laser. Il y a des clubs comme ça, quoi. Bah, il y a sabre, ça existe. On développe, là, du coup. Ouais, on développe. Ok. Sabre, ça existe. Ouais, mais sabre laser aussi, en fait. Et maintenant, il y a des vraies écoles, du coup, qui faisaient de l'escrime, qui ont enregistré sabre laser. Et du coup, j'ai un collègue qui. Une collègue, pardon. Qui a fait sabre laser pendant un an. Ah ouais? C'est incroyable. Des genres? Bah ouais. En plus, toi, tu dis, bah, un sabre laser, normalement, ça. C'est hyper dangereux. Bah, tu peux couper le beurre, des trucs comme ça. Ouais. Ou tu peux griller des tartines. Ouais. Aussi. Ça sabre fait... laser. Mais du coup, mais par contre, après, t'as des vraies vidéos de gars complètement dingues qui sont très forts, en fait, en maniement d'épée. Qui manie les sabres laser, quoi. C'est Ludo qui est fan de Star Wars, quoi, non? Bah, j'espère que t'es fan de Star Wars si tu fais des sabres laser, quand même. Ah ouais. T'imagines? Ah bon, Star Wars? T'imagines, il est dans les vestiaires. Quoi, t'as pas vu la trilogie? T'as pas vu la trilogie? Bah non, jamais vu. En aucun cas, tu touches un sabre laser, t'as pas vu. En aucun cas. Ouais, franchement, tu regardes au moins les 9 et 8, 9, ouais, c'est 3 trilogies. Bah, tu commences par la couleur rose, j'en ai rien à foutre. Couleur rose, rien à foutre. Alors là, mais toi, tu l'allumes même pas en fait, ton sabre. En fait. Ah non. Donnez-lui un bout de plastique. Voilà, c'est tout. Pourquoi ils ont un cheveu sur la langue? Tu sens que c'est des geeks. Et du coup, t'as rajouté un cheveu. Ah ouais, le héron s'en va. Oh, c'est beau. Oh là là. Ça plane. Mère nature. Oh là là. Oh, il va pisser dans un arbre, sur un arbre. Mais il est un peu tout seul quand même. Hein. Ouais. Il n'y a pas de pote. Tout seul, le toucan, le toucan. Ouais. Franchement, un sabre laser tout seul, aucun intérêt. Non. Il faut des collègues, quoi. Mais genre à Lille, tu peux faire du sabre laser. Exact. Mais dans toutes les grandes villes, t'as un sabre laser. Club. Putain. Mais en fait, c'est le même club que tu vois, ils ont juste rajouté ça comme une discipline. Ouais, pour faire rigoler, comme une nouvelle quoi. Discipline en fait. Mais non, c'est très sérieux en fait. Ouais. Je te jure. Ouais. Je vous invite à regarder des vidéos là-dessus. Ouais, j'espère que ce sera au JO de Los Angeles. Voilà. Et comme on s'est bien renseigné, on va vous donner quelques noms de clubs. Pierrot. La crypte de Wazem, vous pouvez y aller, c'est fantastique. Vrai que c'est extrêmement plus. Ça existait un vrai club d'escrime. En souterrain. Touk, touk, touk, ah ouais. Moi, je serais allé lancer un club, genre. Je sais pas, moi, comment t'appelles ton club de sabre laser, tu vois. Les DJ. C'est le verlan des Jedi. Oh. Dark Maul Club. Tu as double sabre laser, celui-là. Bah, après, tu peux faire des jolis logos, quoi. Mais ah ouais, mais ça fait un peu ringard quand même. Ça fait complètement ringard. Ouais. Moi, ma collègue, qui m'a dit ça, on a rigolé d'abord. Et elle était là, non, c'est très sérieux, en fait, c'est une nouvelle discipline. Voilà, putain. Je me moque pas de toi. Hein. Non, mais c'est. De elle. Non, mais je savais pas. C'est. On apprend tous les jours. Hein. C'est, on juge pas, on n'est pas là pour juger, de toute façon, on n'a jamais jugé, en fait. Non, regarde comment ils marchent mal là-bas. Oh, non, c'est des marcheurs, ça. Ouais. Je pense pas. Si, ils sont en tenue et tout. On y reste. Est-ce que notre émission dure 45 minutes plus son ou c'est... Bah là, c'est dans les moments où on peut arrêter quand on veut. Et on a prévu un son ou qui prévoit le son là? Bah, c'est qui toi. A mis en dernier la fois? C'est moi. C'est vrai, c'était quoi? C'était le motard, je crois. Oh. Je suis pas sûr. Chouette. C'était un truc instrumental. Enfin, parce que c'est un mec qui a fait une autre émission de radio. Il est très musical. Regarde, le héros s'en va. Regarde. Oh, c'est magnifique. Je vais vous louper, hein. Bon, bah alors du coup, moi, ça va être le moment de mon morceau. D'abord, je vous remercie à tous d'avoir écouté cette émission formidable. Grosse rentrée pour nous. On a bossé dur. Dur comme un sabre laser. Et ça pique, hein. Ça pique cette émission. La fumée dans les yeux, ouais. Ah, c'est la fumée. Mais... Oui, notre résolution, quand même, c'est essayer d'être plus régulier. Ouais, et d'avoir 2 followers en plus. On n'est pas gourmand, on n'est vraiment pas gourmand. Vous avez tous un ami. Bah ouais. Bah voilà, vous lui dites. T'écoutes cet épisode que t'aimes beaucoup. Et tu dis, tiens, regarde. Hop, écoute, like, pardon. Parce que tu comme ça, on a une photo, quoi. Ouais. Ah oui, si, faut que t'écoutes, mais en plus, faut que tu regardes l'Insta. Enfin, c'est hyper complexe comme truc. Et du coup, je vais proposer mon morceau. Et c'est le morceau que j'écoute en boucle en ce moment. C'est Pete, hein, voilà, je t'en avais parlé, artiste belge, hein, voilà. Alors les Belges, il y a une grosse scène rap, mais voilà qui évolue. Et là, on a Pete, P-E-E-T, de, je crois qu'il s'appelle Pierre, comme Pierrot. Ah ouais. Mais lui, je crois qu'on l'appelle Pierre, pas Pierrot. Ouais. Enfin, non, on l'appelle même Pete. Ah ouais. Et le morceau, c'est Sonner les cloches, voilà. C'est un rap plutôt cool, plutôt bien. Il y a des trucs assez dynamiques, des trucs moins. Mais voilà, il est good vibes. Je vous invite du coup à profiter de ce morceau avec grand plaisir et je vous dis à bientôt. Pierrot, un dernier mot? Bah, c'est un Belge. Oh, un petit rat. C'est beau. C'est un Belge et il est en concert le 14 novembre au Grand Mix. Mix à Tourcoing. Voilà. À bientôt. À bientôt. On est encore là. Je vois pas le fond de la pièce, y'a qu'à bas de temps, je monte sur la scène, je fais un pas de danse, t'as pas raté parce que t'as pas de chance, je fais du rap en français mais je viens pas de France. On s'adapte à toutes les sauces, les prods de 023, quel drôle d'époque, c'est plus à la mode de fumer des clopes. Les galops. La vie est courte quand on s'amuse bien. Tu veux de la moula, mais y du tien. Achète un toaster, mais y du pain. J'avais souvent des trous dans les poches. Je grattais des centimes à la récré. Maintenant c'est moi qui fais sonner les cloches. J'ai fait une pause, j'avais soif, j'ai bu. Dans 20-30 ans, il n'y aura plus. Sur qui on t'a dit qu'il fallait miser depuis le début? Docteur Pedro. Rappelle-moi ton prénom, je me souviens plus. Littéralement réveiller la tête dans le cul. J'suis assez sorti la noche. Jusqu'à pas d'heure dans les bars. 6h du mat sur le clocher. J'suis pas encore à la tare. Maintenant c'est moi qui fais sonner. Maintenant c'est moi qui fais sonner les cloches. J'ai arrêté de sonner. C'est plus la mode de fumer des clopes. C'est plus la mode. Maintenant c'est moi qui fais sonner les cloches. La version BG du bossu de Notre-Dame. J'aurais dû naître à dame pour m'en gazer légalement avant de me mettre à table. Je veux une Emrata, mais pas sûr que je la trouverai. Entre tous les queues fulent travers et les gens bien, j'avance. J'ai pas trop vers où. Les chemins sont très variés et sinueux. Mais j'ai pas peur, on est bien vifs. Ils sont si nuls, eux. Je perds la tête, je m'étais promis de plus parler d'eux. Je veux rien à parler, eux. Baby, viens par ici. J'enlève tes paresses si t'es paresseuse. Bah oui, c'est important l'entraide. D'ailleurs, y'a mes reufs derrière moi. Au cas où quelqu'un veut me prendre en traite. Kaba, ton rap est bande en trait. C'est moi où j'ai dit ça dans le mauvais ordre. Pas grave, j'ouvre la bouche et les trophées sortent. Signé le professeur. J'suis assez sorti la noche, jusqu'à pas d'heure dans les bars. 6h du mat sur le clocher, j'suis pas encore à la tare. Maintenant c'est moi qui fais sonner. Maintenant c'est moi qui fais sonner les cloches. J'ai arrêté de sonner. C'est plus la mode de fumer des clopes. J'suis assez sorti la noche, jusqu'à pas d'heure dans les bars. 6h du mat sur le clocher, j'suis pas encore à la tare. Maintenant c'est moi qui fais sonner. Maintenant c'est moi qui fais sonner les cloches. J'ai arrêté de sonner. C'est plus la mode de fumer des clopes. C'est plus